LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors moi, l'endroit que je préfère, c'est la terrasse de l'autre côté. Je peux passer des soirées quand il fait beau, toute seule, jusqu'à 11h du soir. Je suis capable de rester devant mon assiette vide, juste à écouter les craquements. Voilà, j'ai une lampe frontale qui est posée dans la cuisine et fréquemment, je rentre, je mets la lampe frontale, je pars à quelques mètres de la maison parce que j'entends des bruits, que je veux découvrir les animaux. Je suis tombée sur une fouine l'autre jour, il y a des couples de rapaces qui tournent, qui atterrissent à certains endroits, bon, des trucs tout bêtes, mais moi ça m'éclate. Autour de Christelle, le terrain s'étend à perte de vue. Nous sommes sur sa terrasse, une grande maison à quelques minutes en voiture d'un village du Lot-et-Garonne. Voilà, aujourd'hui, être ici, c'est ouais, se recentrer sur quelque chose qui, à mon avis, est la vie qu'on devrait tous avoir quelque part. Donc voilà, on est juste bien de se laisser happer par le calme, par le bruit du vent dans les arbres, par juste voilà, regarder les nuages passer. Et ça fait du bien parce qu'on a l'impression de retrouver aussi son âme d'enfant, en fait, tout ce qu'on a laissé filer parce que ben, on est pris sous le poids des responsabilités d'adulte. Donc, bah, je m'appelle Christelle, je suis une femme qui approche de la cinquantaine, ça frétille sévèrement. J'ai 4 enfants, une fille de 23 ans et 3 garçons de 20, 13 et 10 ans. Et je suis en couple avec un homme qui a une fille de 24 ans et un garçon de 15 ans. Dans cet épisode, nous partons, nous quittons tout. Parfois du jour au lendemain, parfois après des années d'hésitation, parfois pour fuir, parfois pour vivre. Dans cet épisode, il y a ceux qui partent et il y a ceux qui restent. Ceux qui imaginent l'après et ceux qui préfèrent ne pas y penser. Pourquoi quittons-nous un lieu ? Et que laissons-nous de nous dans les murs qui s'éloignent ? L'objectif, c'était surtout de vivre dans un endroit où on allait être au calme, loin de la ville et de toutes ces vicissitudes, je vais dire. Parce que mon mari, avec son travail, il voulait un petit peu fuir ce qu'il vivait dans son quotidien déjà au niveau du boulot. Et puis moi, c'était un désir très lointain qui remonte à mon adolescence, on va dire, de partir. Partir pour fuir la famille, très clairement. Et ben voilà, la vie a fait que j'ai pas pu... parce que bah, les enfants, le boulot. C'est la première fois que je rencontre un homme, en fait, qui avait envie de partir. Chez nous, une série documentaire d'Élodie Font et Véronique Samouilov, épisode 4, Comment te dire adieu ? On est venu ici sans aucune attache, ni familiale, ni professionnelle. C'était une région que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, je suis venue habiter ici sans même y avoir passé une semaine de vacances. Ça, c'est assez dingue, en fait. On connaissait personne, mais personne de chez personne. Et ça, il y a plein de gens qui ne nous ont pas cru. Voilà, moi, j'ai des gens qui m'ont dit... T'étais parti vivre dans ton trou à rats, chez les ploucs. C'est des gens qui n'ont pas du tout la même, je veux dire, ambition de vie, en fait. Christelle, vous avez eu 2 enfants d'un premier mariage, 2 d'un second, et vous êtes aujourd'hui en couple avec un 3e homme. Quel a été le déclic pour partir d'Aix, où vous êtes née ? Ça a clairement été la rencontre avec celui qui est devenu mon mari, quoi. C'est-à-dire que nous avons tous les deux eu... Alors moi, ça a été l'enfance et lui, des accidents, incidents, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, assez violents, vraiment violents, sur lesquels il faut faire preuve de beaucoup de résilience pour s'en sortir, l'un comme l'autre. Hein. Et de fait, c'était partir pour... un peu fuir l'environnement, et puis changer d'air, en fait, tout simplement, peut-être comme se mettre au défi de dire est-ce que je suis capable aussi de vivre ailleurs, est-ce que je suis capable de tout lâcher, surtout quand on a des enfants qui sont encore petits et qui ont fait le choix, eux, justement, de rester dans le confort de leur vie actuelle. C'est-à-dire, on ne veut pas changer de collège, on ne veut pas changer de lycée, et de fait, voilà, on est venus que tous les deux. Oui, puisque vos enfants qui sont encore en âge d'être à l'école sont restés avec leur père, à Aix. Et Quelles ont été les réactions autour de vous quand vos proches ont appris ce choix de partir ? Les réflexions les plus désagréables viennent de l'ex, clairement. Ça a été très difficile avec les enfants aussi, qui ne comprenaient pas le besoin de partir, mais parce que le père aussi, bon voilà, leur a dit que j'étais folle en fait, que c'était de l'égoïsme. Parce qu'en fait, changer de logement ici, ça induit aussi pour moi un recentrage sur ma vie de femme et plus un centrage qui m'était imposé socialement par ma vie de mère en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours cherché des jobs où je commençais pas trop tôt pour que le mari puisse lui partir à 6h30, où je finissais pas trop tard parce que c'était un petit peu problématique de se pointer à 19h quand les douches, le repas étaient prêts, où j'aurais pas pu partir en déplacement professionnel le week-end. C'était inconcevable. Et je me suis toujours dit, mes enfants, je suis un guide pour eux, mais je leur apprends depuis toujours que je ne serai pas toujours là pour eux. Donc c'est vrai que là, c'est hyper violent de laisser ses enfants. Je le reconnais, même pour moi, hein, j'en pleure des fois. Bon, voilà, c'est difficile. Mais en même temps, je me dis, ils ont peut-être l'opportunité de se construire aussi autrement. Alors c'est très égoïste, hein, je le reconnais, mais c'est une façon aussi à un moment de sauver sa peau aussi, parce que je me refuse à n'être qu'une mère. J'ai donné quoi, ça fait 23 ans que je suis dans les couches, que je suis dans les médecins, dans les visites médicales de rentrée, dans les listes scolaires, dans les suivis, dans les... Donc là, c'est clair que c'est un moment de vie où c'est moi quoi. Ils étaient partout et avaient défiguré le salon en un labyrinthe de paquets, de rubans adhésifs et d'angoisse. J'ai toujours détester les cartons, leur couleur éteint tout désir. Je m'apprêtais à m'emparer du premier quand je me suis trouvé paralysé par une foule de souvenirs confus. Combien de fois avais-je répété ce même geste ? Je me suis arrêté un instant et essayé de compter, de me souvenir des déménagements déjà faits. 30. Ces 30 maisons sont avant tout 30 espaces de formes et de dimensions diverses, qui ont dit « je » à ma place. Chacune d'elles a été mon chez-moi. Mais dans aucune, je n'ai définitivement pensé « je suis chez moi ». C'est comme si j'étais condamné à répéter jusqu'à la nausée le mouvement que certains réussissent parfaitement du premier coup. Ouvrir une porte, entrer et ne plus sortir. C'est en déménageant que j'ai appris cela. Cela semble être une évidence, mais c'est le déménagement qui fait la maison. Et cela pour une raison très banale. Nous avons toujours été des étrangers devant les maisons que nous avons ensuite aimées et habitées. Nous sommes toujours entrés dans nos maisons du dehors. Philosophie de la maison, Emmanuel Cochia. Je crois que ce qui est très fort, c'est que On entre dans une maison qui, au fond, n'est pas chez nous au départ. On est chez elle, si on veut. Lydia Flemme, et psychanalyste et romancière. Elle nous regarde, nous la regardons, mais elle nous regarde. Et à un moment donné, on se sent, je crois, plus chez soi, parce qu'on voit les traces qu'on y a laissées, qui viennent de notre histoire, de nos souvenirs, de nos échecs, de nos douleurs, de la vie, les bonnes et les mauvaises choses. Et je pense que ça conforte dans le sentiment d'une identité quand on reconnaît quelque chose de soi sur les murs et que la maison n'est plus anonyme mais habitée par nous. Et je crois qu'une maison, c'est un peu comme un chat. C'est-à-dire qu'un chat, on croit qu'il vit chez nous, mais en fait, c'est nous qui vivons chez lui. Et une maison, c'est un peu ça quand même. Il faut longtemps pour l'apprivoiser et pour qu'elle accepte d'être nôtre. Sauf que parfois, la maison n'a plus son mot à dire, et nous non plus. Parfois, partir, c'est subir. C'est le cas de ceux à qui l'on annonce, un jour, que leur immeuble HLM va être démoli. Claude et Malika ont dû déménager, la mort dans l'âme, après des années passées dans une grande tour qu'ils adoraient. Jawiba et Marco vont probablement subir prochainement le même sort. Ils habitent tous la ville de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. comment accepter que son logement va disparaître? Et avec toute la vie, tous les souvenirs associés à ce lieu. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Donc j'ai fait les huit étages, donc les 16 locataires. Et je les ai informés, en fait. Ils n'en revenaient pas. Pareil, je pense qu'on a tous été dans le même état d'esprit, complètement incrédule. On ne choisit pas. Et humainement, oui, c'est difficile. C'est très difficile. Depuis le début des années 2000, 200 000 immeubles HLM en France ont été détruits. Pierre Gilbert, sociologue. Ça a commencé par l'idée de la sarcellite, l'idée qu'il y aurait des formes de mal-être lié à l'architecture de ces logements, notamment lié à mal-être psychologique, lié à l'isolement social des femmes. Puis s'est ajouté là-dessus très rapidement les phénomènes de bande, de la jeunesse jugée dangereuse, en particulier issue de l'immigration, donc de la jeunesse racisée. Donc c'est des quartiers qui, dans l'imaginaire collectif, représentent souvent en fait une forme de danger, en tout cas pour une bonne partie de la population, y compris au sein d'une partie des classes populaires. Et en même temps, ces cités HLM, c'est aussi en fait des logements qui sont très spacieux, très vastes et qui participent de ce processus historique de conquête de l'espace domestique. Et de fait, les habitants sont souvent très attachés en fait à ces logements. Très souvent encore aujourd'hui, les gens qui s'installent dans ces quartiers ne vivent pas ça comme une forme de déclassement, mais au contraire comme une forme de stabilisation de leur trajectoire. Les logements sont extrêmement bien tenus, décorés, etc., en décalage complet avec l'imaginaire social de ces quartiers-là. Je suis arrivée en 2007. J'étais contente, c'était un magnifique endroit. Il y avait des aires de jeu, il y avait de la verdure, un espace de jeu pour les petits. Quand je suis rentrée, j'ai dit « Ah, c'est vrai que c'est des tours, mais... » je voyais quand même qu'il y avait des enfants, ça jouait, il y avait du deal hein, à l'époque, mais ça ne se voyait pas. Tout était propre, impeccable. Et par-dessus le Marcy, quand on regarde par la fenêtre, on voyait tout Paris, surtout la Tour Eiffel, on voyait une partie aussi. Donc, je n'avais pas à me plaindre, j'étais contente. Nous, on était bien là-bas. C'était un petit L2, très bien, très, très lumineux, orienté sud, très modeste, mais... tout à fait à ma convenance. Voilà, c'est tout ce grand L en fait qui va être détruit. Et on va aller voir la vue de l'église. Vous vous rendez compte de la belle vue qu'il y a, quoi. En fait, on sait que ça doit être détruit. Ça date de 1956, quelque chose comme ça. C'était fait pour les ouvriers à l'époque. C'est des pièces carrées, c'est tout petit. Non, faut que ça soit détruit, mais on est attaché au quartier. Quand j'étais petit ici, il y avait un feu de 10 mètres. C'était le feu de la Saint-Jean. Puis après, t'avais les pères de famille. Quand le feu y descendait, le but c'était de sauter par-dessus. Enfin, des trucs culturels, quoi. C'est dans notre culture. Donc voilà la vue. Je vous laisse imaginer le matin, quand il y a le soleil, les oiseaux, les péniches. Marco, vous qui êtes une figure pour le coup du quartier du Vieux-Saint-Ouen, comment vous vivez le fait de vivre dans un endroit qui va être détruit? C'est un peu l'effet quand des parents se séparent, on ne sait pas si on va aller chez papa ou chez maman. Oui, c'est un peu ça. Sentiment d'abandon. Même si on essaye de nous rassurer constamment en nous disant « ce sera le même prix du mètre carré, vous choisirez le quartier ». Même en nous rassurant, ça fait un peu peur. Donc s'il y avait un coup de baguette magique, le bâtiment qui se rénove tout seul dans la nuit et puis qu'on y soit encore, ce serait bien. Mais apparemment, c'est pas possible. Pour moi, c'était... Je restais là-bas jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Donc c'était... J'ai eu aucune raison pour déménager. Je commençais à me sentir mal. En fait, j'avais des... palpitations, j'avais des angoisses, beaucoup. On a dans la tête qu'on va partir quelque part, on ne sait pas où et on ne sait pas comment. Les voisins, est-ce que ça va être comme ici, est-ce que ça va être... Et puis voilà, des questions commencent. Et donc, c'était une angoisse terrible. Surtout que l'annonce de démolition s'accompagne souvent d'une dégradation des parties communes. Petit à petit, les premières familles partent, relogées ailleurs. Mais parfois, le loyer n'est plus le même, les charges, la superficie non plus. Alors certains résistent et restent quelques mois de plus, jusqu'au bout. Dans chaque tour, il y avait un gardien supprimé. Les batteries de boîte aux lettres avaient été dévastées, saccagées. On ne recevait plus de courrier, quoi. Donc ils ont laissé un peu pourrir les choses, quoi. Et les squatteurs débarquaient. Il y en a eu des squatteurs, après. Et là, c'est une porte, regardez, coupée en deux. Voilà, regardez, elle est cassée. Ils misent là pour empêcher les policiers. Donc nous aussi, on pouvait pas passer. Donc ça tape partout, ça crie, ça, c'est une horreur. On vit dans un... Je sais pas comment... Vous avez des films, des fois, où il y a le méchant, il y a des drogués, des dealers, et la police leur court après et tout. C'est comme ça, c'est inimaginable. C'est un film, mais un film de réalité, quoi, pas de fiction. Des fois, on a un mois sans ascenseur. Donc, on aide tout le monde à monter les courses. Tout le monde est solidaire, quoi. Donc, on refait la cabine, qui est jolie. Mais le moteur, il n'a jamais été changé. Donc, plus personne ne fait rien dans les appartements. Ils font tout. Ils vont créer des situations pour... Les locataires eux-mêmes ne demandent qu'une chose, c'est de partir. Mais c'était 2 ans d'enfer, donc on avait l'impression que c'est pas 2 ans, c'est 10 ans, voire 20 ans. Hein. C'est interminable. Il faut le vivre pour le croire, franchement. C'est indescriptible. Qu'est-ce qui a fait que finalement, vous avez fini par bouger? Parce qu'on a muré mon appartement. C'est-à-dire qu'un jour, vous êtes rentré chez vous, il y avait un mur devant votre porte. Je ne suis pas rentré chez moi, c'était muré, en bas. Le hall d'accès était muré. Mais vous aviez encore vos affaires en haut ? Oui, bien sûr. C'était un soir, il tombait des cordes. Et j'ai croisé deux dealers, deux mômes qui venaient, je ne sais pas, s'approvisionner. Ils me disent, hey, tonton, c'est pas la peine d'y aller, c'est muré. Et moi, j'ai pris ça pour... j'ai dit, oh, ils déconnent, les mômes, c'est des trucs de... Et c'était muré. Ouais, ça, c'est terrible comme expérience, hein. En fait, ça vient rompre une forme de parenthèse durable pendant laquelle on ne vit pas avec cette idée qu'on vit dans un logement dégradé. On n'est pas confronté sans cesse à ce stigmate. Il est oublié, entre parenthèses. Et la démolition, l'annonce de la démolition, vient le rappeler fortement. En fait, elle vient rappeler que ce stigmate, il est partagé par ceux qui ont le pouvoir et par une large partie de la population. Et ça, c'est un moment où... On vivait de façon routinière dans son logement. En fait, ce que vient rappeler la démolition, c'est que les gens ne sont pas complètement chez eux. Il y a un enquêté qui disait ça très bien. Il disait, je lui posais une question et sur le chez-soi, etc. Il dit, mais c'est pas chez moi, en fait. C'est pas chez moi. Ici, c'est comme à l'hôtel. Tu payes, tu dors. Tu payes pas, tu dors pas sur place. On n'est pas assuré, en fait, de maintenir ce chez-soi qu'on a construit souvent. Il y a beaucoup d'habitants qui font au fil du temps des travaux. Et c'est un investissement qui n'est pas seulement économique, c'est un investissement qui est aussi affectif. Dans le logement, il y a aussi le souvenir, enfin tout un tas de souvenirs en fait qui sont très marquants. Pour les familles, notamment les plus anciennes qui étaient là depuis très longtemps, c'est vraiment une déstabilisation très forte, quoi. Non, moi je me sens pas chez moi. Même si je paye le loyer, je me sens pas chez moi. Non. Ben non, on sait que ça va être détruit, tous les souvenirs vont partir. Non, on se sent pas chez nous. C'est un peu schizophrène comme situation. On se voit déjà partir, mais on aimerait que ça dure encore. Et c'est les irréductibles, quoi. Moi, il y a plein de personnes, ils veulent rester jusqu'au bout. Ils soient les derniers à partir. Mais dans notre tête, on est déjà ailleurs, en même temps. Pour moi, ce qui a changé, c'est que... Avant le mois de janvier, je me disais, Djawiba, tu vas peut-être faire ci, ça, ou améliorer ceci. Et en fait, je ne ferai rien. Je ne toucherai plus à rien, parce que ça ne sert à rien d'investir. Hein. J'ai acheté des stores. Du coup, mes stores, en fait, une fois déménagés, ils ne me serviront plus à rien, en fait. J'ai par ailleurs la chance, et c'est peut-être un luxe, d'être sur le même palier que mes parents. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ma maman a 86 ans, mon papa bientôt 80. Oui, moi, je le sens en tout cas comme une grande injustice. Et je pense même que psychologiquement, mettre ses affaires, ses bibelots dans un carton, c'est une page qui se tourne et c'est, je trouve que c'est violent intérieurement. C'est très violent. Et ensuite, quel impact de la démolition sur la vie d'après ? Malika paie désormais un loyer qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir, et Claude va devoir de nouveau déménager, son nouveau lieu de vie étant lui aussi condamné à être démoli. Quand je passe par là-bas, j'ai une angoisse terrible et puis j'ai qu'une envie, c'est de disparaître, enfin de détourner le regard. Je ne regarde pas, même pas. On ouvre la fenêtre, on n'a pas le même paysage, on a, etc., etc., quoi. On n'a pas les mêmes voisins, on n'a pas... Voilà, c'est tout un apprentissage. Un an après, j'ai l'impression que j'ai pris un an, quoi. Vous êtes vu vieillir, oui. C'est ça ? Oui, oui. Là, vous vous retrouvez dans un immeuble du Vieux-Saint-Ouen. Et là, vous avez su, il y a quelques mois, que cet immeuble-là, il allait aussi être démoli. Ah, mais je l'ai su dans les 8 jours qui ont suivi mon installation. C'est quand même un peu violent, comme annonce, quoi. Je me suis retrouvé. J'ai dit, est-ce qu'il faut que je défasse mes cartons ? Vous connaissez le vers du poète. La forme d'une ville change plus vite que le cœur des hommes. Il dit un truc comme ça, hein. Baudelaire. Et voilà, dire là, ça va vite quand même. J'aimerais bien mourir là, mais bon. Parfois, la maison de l'avenir est plus solide, plus claire, plus vaste que toutes les maisons du passé. À l'opposé de la maison natale, travaille l'image de la maison rêvée. Tard dans la vie, en un courage invincible, on dit encore ce qu'on n'a pas fait. On le fera. On bâtira la maison. Cette maison rêvée peut être un simple rêve de propriétaire, un concentré de tout ce qui est jugé commode, sain, solide, voire désirable aux autres. Peut-être est-il bon que nous gardions quelques songes vers une maison que nous habiterons plus tard, toujours plus tard, si tard que nous n'aurons pas le temps de la réaliser. La poétique de l'espace, Gaston Bachelard. Et puis parfois, partir, c'est non seulement être poussé dehors, mais également fuir. On part parce qu'on s'échappe, parce que devant nous s'ouvre la longue route de l'exil. Mon parcours, elle a été vraiment compliqué. Du coup, quand je suis arrivée, je connaissais rien du tout, je connaissais pas mes droits. J'étais dans une famille dont je travaillais pour eux, je faisais tout. Bon. Travail de la maison, la vaisselle, laver les enfants, préparer, etc. quoi. Le travail quotidien de la maison. Bon, pour moi, c'était normal parce qu'au bled, je faisais que ça. Aïcha est arrivée en France en 2019, juste après sa majorité, après un long périple depuis un pays africain qu'elle préfère ne pas mentionner. Un pays où elle était en danger. Et est-ce que depuis que vous êtes arrivée en France, il y a eu un endroit où vous vous êtes sentie chez vous ? À vrai dire, non. Je ne me suis jamais sentie chez moi. Non. J'ai toujours le stress. Et dans votre pays d'origine, il y a eu un endroit où vous vous êtes sentie chez vous ? Non. Je ne me suis jamais sentie épanouie. Pas d'être libre, pas... Donc, je ne peux pas m'imaginer le paradis sur terre. Alors Aïcha est partie, sans rien. C'est une déflagration que l'on peut rapprocher de celle vécue par la famille de la romancière Lydia Flemme lors de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est habiter ? Qu'est-ce que c'est être vivant dans un lieu et être éventuellement prêt à quitter ce lieu ? Je me souviens que mon père, qui trouvait un peu miraculeux d'être en vie, me montrait les 2 valises qu'il avait de sa vie d'avant la guerre. Il me disait, mais tu vois, il faut toujours être prêt. Il faut être prêt à prendre ses valises et à partir et à tout laisser. C'est-à-dire que j'ai aussi, dans ce que j'ai appris enfant, la vie est supérieure à tous les objets, à toutes les maisons. Il faut être prêt comme... en un instant, à tout abandonner pour sauver sa vie. Donc on ne sait pas du tout ce que c'est, comment on fait se protéger dans un abri, dans une cave pour échapper au bombardement, accepter de tout perdre. Pas seulement des objets auxquels on tient, mais aussi des souvenirs sur le coup, parce qu'alors il n'y a plus d'archives, il n'y a plus rien. Vous êtes juste parti avec un sac à dos et c'est tout. Oui, j'ai juste une petite valise. Hein. Je ne pouvais pas amener quelque chose de valeur parce que je me suis enfuie. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas revivre. Bah, je le vis tout le temps. Hein. Je le vis tout le temps avec les angoisses et les douleurs, mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails. C'est trop. Je sais quand même que la France, les femmes ont leurs droits. Et c'est la droit, en fait. Je voulais vivre une autre vie. Je voulais vivre une autre vie. Je voulais être moi. Je voulais être libre aussi. Donc, mais au début, quand je suis venue, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça et... Bon, je comprenais pas tout, se mélanger dans ma tête. Mais après, ma psychologue m'a fait comprendre que rien va m'arriver. Je suis en sécurité, même si j'ai pas de papier, je suis en sécurité. Et je suis une femme, j'ai mes droits, etc., etc. La devise et tout, j'ai tout appris, donc... En France, Aïcha se fait d'abord exploiter par une famille qui la considère comme une esclave. Puis, en apprenant qu'elle est enceinte, ils la chassent du jour au lendemain et elle se retrouve à dormir dehors ou dans les hôpitaux avec son compagnon. Commence alors, pour elle, d'innombrables va-et-vient, d'hôtel social en hôtel social, hébergée et aidée par les services du 115 et par plusieurs associations. Partir en permanence, parfois pour le pire. Ça a été vraiment, on a passé beaucoup de temps dehors dans les hôpitaux, on passait les nuits dans les hôpitaux. On passait les nuits dehors avec ma grossesse, c'était pas facile. Il faisait trop froid. Après, on a eu un hôtel, mais il y avait trop de pinaises, trop de trucs. Quand on a dit ça, ils nous ont fait changer de l'hôtel tout le temps, toutes les semaines, on change de l'hôtel souvent. Je suis à 5e étage ou 6e étage, les toilettes se trouvent en bas, au rez-de-chaussée, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut qu'on descende pour puisse se laver et tout. J'ai passé de l'hôtel à l'hôtel. C'était pas facile. Trop de cafards, punaises, souris, on peut rien garder. Ils mangeaient nos vêtements, les vêtements de mon fils. Et les lits étaient tellement sales, même les lits de couleur étaient plus mieux que c'est les lits qui sont dans cet hôtel. Il y avait des petites cafards là qui pouvaient rentrer même dans les oreilles. Donc quand on se couche, je suis obligée de mettre des trucs dans l'oreille de notre fils et dans nos oreilles pour coucher. Quand on éteint les lumières, les souris se mettent sur nous. J'avais le stress, je ne pouvais pas dormir. Et la chambre était trop humide, il y avait trop d'humidité. J'ai fait une grosse grippe. On n'entendait même pas le son de ma voix. Donc, c'était la cata des catas. Cette chambre-là, elle avait tout en même temps. Et comment vous avez réussi à changer de lieu? Avec l'aide de ma sage-femme, qui est vraiment, vraiment gentille, qui nous a vraiment, vraiment compris et qui a compris dans la situation qu'on était, et l'aide de l'assistance sociale de mon fils. Et comment vous faites pour déménager? Parce que, à chaque fois, parce que quand même, vous avez un peu d'affaires. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Et souvent, on range tout dans les sacs cabas. On fait avec, comme on peut. Mon compagnon fait descendre toutes les affaires. Il prend toutes les affaires, il les fait descendre toutes seules. Parfois, je l'aide comme je peux, vu que je suis enceinte. Mais souvent, il ne veut pas que je me fatigue trop. Mais moi aussi, je ne veux pas les laisser toutes seules faire. Après, on fait des va-viens. Parce que même l'autre fois, quand j'ai demandé à les assistantes sociales, est-ce qu'ils peuvent nous aider à avoir une voiture pour plus déménager, ils m'ont dit non, on n'a pas le droit. Donc du coup, on a fait avec comme on peut. parce qu'on n'a pas les moyens de se payer des voitures, de se payer des transports et tout. Donc on prend les bus. Donc on ne peut pas laisser nos affaires là-bas parce que même s'ils n'ont pas de voleurs, c'est ça qu'on a. Ce sont nos affaires qu'on a. Voilà, si c'est un petit bol, c'est cette bol-là qu'on mange dans cette bol-là. Donc elle a de la valeur. Si c'est nos manteaux, même s'ils sont pas, voilà, ils sont anciens ou bien ce sont des deuxièmes mains, ils ont de la valeur. Donc toutes nos affaires ont quelque chose, quoi. On peut pas, même si ils ont pas de valeur, ils sont, voilà, n'importe quoi, mais ça nous tue encore. La chambre dans laquelle elle m'invite est la plus belle qu'elle n'a jamais eue. Et c'est aussi la première fois que son petit garçon peut profiter d'un espace à lui pour jouer. Parce que depuis qu'il est né, il n'a jamais eu un espace, par exemple un petit espace qui est là-bas, que j'ai mis quelques de ses jeux là-bas. Il joue, il est tranquille. Quand on est venu ici, je lui dis que tu es content. Il m'a dit oui. Donc, c'est bon d'avoir ça. Oui, parce qu'il y a un grand lit. Déjà, ouais. Il y a un grand lit, un grand salon, il y a un grand télé, on a notre petit frigo, il y a une grande salle de bain et il y a un ascenseur enfant. Depuis qu'on a commencé, depuis 2019, d'avoir un hôtel qui a un ascenseur. Et c'est la première fois aussi d'avoir un hôtel qui nous permette de cuisiner au rez-de-chaussée. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. J'en ai marre des hôtels. Les hôtels, ça me stresse. Je fais une demande de logement. 2 pièces, 3 pièces, je veux un logement en fait. Parce que j'ai peur à tous les moments, vous savez. Ici, c'est pas un logement, c'est un hôtel. Donc, c'est pas une maison. À tous les moments, ils peuvent vous dire, madame, vous pouvez quitter. La panique, elle est toujours là. Donc là, tout ce que je veux avoir un logement, un petit logement. Après la vie, je peux m'organiser, organiser la vie de nos enfants et tout. Et à quoi il ressemble votre chez vous que vous imaginez pour bientôt, j'espère? Bah, je sais pas. Je peux pas imaginer des choses que j'ai pas. Parce que j'ai eu des rêves, mais... Je crois plus des rêves, je crois plus des contes de fées, je crois plus des... Donc je peux pas m'imaginer dans un château ou dans une maison de rêve ou dans un quelque chose de... Voilà quoi. Donc je peux pas faire des grands rêves, non. La patience finira par payer et j'espère d'avoir un endroit. Partir, quel vertige! Car partir, même quand on n'a pas une histoire aussi douloureuse que celle d'Aïcha, c'est aussi trier, vider, s'intéresser à chaque millimètre d'objet et se demander « qu'est-ce que j'en fais ?». Surtout quand on se met à trier non pas nos propres affaires, mais celles de nos parents. Que garder, que jeter ? Lydia Flemme. Vider la maison de ses parents, c'est tout d'un coup être projeté, mais vraiment comme adulte. Mais un adulte orphelin. Alors, ça, c'était une découverte très déconcertante. C'est qu'on est, on devient orphelin à tout âge. Parce que souvent, quand on parle d'orphelin, on imagine, je sais pas, Harry Potter, c'est un orphelin, mais c'est un enfant, pour commencer l'histoire. Donc, on se dit, oui, on est orphelin à 7-8 ans, mais pas à 40 ans ou à 50 ans. Mais en vérité, oui, on a un sentiment de un peu d'abandon. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, quoi? Et puis, ils me laissent avec tout ça. Ils n'ont pas nécessairement trié, etc. Et puis, c'est une forme de sacrilège au début, parce que il y a leur présence, il y a peut-être encore des fleurs dans un vase. Enfin, les choses sont... C'est un peu comme dans La Belle au bois dormant. On a l'impression que tout devrait rester figé pendant 100 ans, et peut-être qu'après, ils vont revenir, mais ils ne reviennent pas. Et donc, il faut vider ce lieu... Et on commence par se sentir très coupable. C'est un peu un sacrilège. Et puis, il faut faire toutes sortes de choses qu'on nous avait longtemps interdit de faire. D'aller dans les poches, dans les tiroirs, et enfin. Parce que c'est ça aussi qui est toujours étrange, c'est que les objets vivent beaucoup plus longtemps que nous. Alors, ça peut nous rassurer, mais ça peut aussi nous mettre dans un état un peu de fragilité, parce que ça nous remémore mille souvenirs, mille liens, et sur le coup, la douleur, la tristesse, le chagrin ou d'autres émotions peuvent rejaillir. Oui, vous dites qu'il y a, enfin vous écrivez, qu'il y a un côté intrusif extrêmement particulier de se mettre à lire des papiers, ou en tout cas à en jeter une partie, qu'on n'était absolument pas autorisé à toucher même. Enfin, c'était pas notre vie à nous. Oui, absolument. Et ce qui est étrange, c'est que la loi dit que tout d'un coup, ce qui était illégitime devient légitime. Vous êtes amené à faire ça. Et de toute façon, aussi de déclarer le décès des gens qui vous ont mis au monde, c'est déjà enfin, quelque chose de très, très, très violent. Et puis après, en effet, d'aller fouiller ou farfouiller dans leur intimité, en ayant peur aussi peut-être de trouver des choses qu'on n'a pas envie de trouver. Puis les vêtements, c'est très singulier. Les vêtements, c'était sur leur peau, ça porte encore leur odeur, leur parfum. Il y a des choses dans les poches. Et puis on découvre des choses auxquelles on n'était pas préparé. Ce qui est très étrange, c'est de retrouver aussi des traces de sa propre enfance, si les parents en ont gardé. Ça peut être très pénible, ça m'a souvent raconté, quand on ne trouve pas de traces de son enfance. Parce que il y a les deux côtés de l'éventail. Il y a le côté, il y a trop, hein, il y a une accumulation et on est complètement catastrophé de devoir gérer tout ça. Ou il y a quasi rien. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, mais vous avez eu de la chance, vous avez trouvé, y compris les lettres d'amour de vos parents, etc. Donc il y avait de l'amour. Mais chez moi, il n'y avait rien. C'était d'une pauvreté émotionnelle très, très, très douloureuse. Donc, bon, de toute façon, c'est une épreuve. Si on pouvait, mais en général, on n'a pas cette possibilité de prendre beaucoup, beaucoup de temps pour digérer, pour revenir sur des décisions aussi qu'on prend, parce que tout d'un coup, on dit, voilà, bon, allez, ça suffit maintenant, je jette, je donne, je vends, enfin, on prend des décisions parfois qu'on regrette aussi. Mais on est coincé. En général, il faut libérer le lieu, enfin, on n'a pas ce choix. Mais je me souviens d'un écrivain italien, Antonio Tabo, qui m'avait téléphoné à la sortie de mon livre que je lui avais envoyé. Il m'avait dit « Ah, qu'est-ce que t'es courageuse ! Moi, j'ai la maison de mon père, de mes parents, dans la campagne en Italie. Et je n'ai, 3 ans après, encore touché à rien. Tout est identique, comme à l'instant de leur disparition. » Je n'ai jamais autant pensé à la maison de mes parents que depuis que j'écris ce documentaire. C'est une maison qui raconte leur quotidien, leurs goûts, leurs désirs, mais c'est aussi un lieu qui parle de moi. J'y ai laissé des cartons de cours, des piles de livres, des poupées et des Playmobil, une collection de cartes postales et une autre de flacons de parfums, des jeux de société, des kilos de lettres et de photos. Je les ai enfermés dans des placards qui longent ma chambre d'enfance, tous remplis à ras-bord, tous fermés. Sans jamais y penser. Comme des zones de la mémoire que l'on ne vient jamais chatouiller, pour qu'elles restent en état, identiques, que le temps n'ait sur elles aucune emprise. Ces placards, je ne sais plus exactement ce qu'ils racontent de moi, s'ils me ressemblent encore un peu, beaucoup, passionnément. Un jour, mais quand ? Un jour, je les ouvrirai. C'est particulier de revenir dans une ville où vous avez des souvenirs à des âges très différents à chaque coin de rue, en fait, superposés comme ça, en couches successives. Mona Chollet, essayiste et journaliste. Ça ramène à des versions antérieures de soi, auxquelles on n'a pas toujours envie d'être confronté, d'ailleurs. Surtout quand le lieu change, je trouve. Oui, en plus, quand le lieu change, ça crée une sorte de traumatisme. Je fais toujours des scandales à Genève quand je découvre que tel bâtiment a été rasé ou que telle boutique ou restaurant a disparu. On a envie que ce soit un lieu de permanence et qui reste exactement comme dans nos souvenirs. Évidemment, c'est pas du tout le cas. Alors que, évidemment, moi, je me souviens aussi de la sensation d'arriver en France et de, c'est complètement enivrant d'arriver quelque part où personne ne vous connaît et où vous pouvez, ça donne l'impression de se recréer. C'est une liberté complètement enivrante. Alors que, ben voilà, sur son lieu natal, on est quand même corseté par tous les souvenirs qu'on a, par les souvenirs que les gens ont de vous. Ils se souviennent de vous à tous les âges, de toutes les conneries que vous avez faites ou dites. Voilà, c'est beaucoup plus compromettant. Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils pour quel jardin, je n'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment. Liliane a 87 ans. Elle habite dans sa maison, en région parisienne, à une demi-heure de RER de la capitale, depuis plus de 60 ans. Évidemment, ici, s'accumulent les objets de toute une vie, de celle de son mari décédé il y a déjà 30 ans aussi. Partir, quand on peut, c'est transmettre. Et pour être certaine que les objets qui lui tiennent le plus à cœur continuent à vivre, elle les donne. Ben, je sais que ma petite fille, déjà, elle a des vues sur certaines choses. Mais est-ce que de votre vivant, vous ne pouvez pas dire, tiens, par exemple... J'ai déjà donné des petits bijoux à ma petite fille. Les alliances de mes parents, ma première montre en or que j'avais 20 ans, ça, je le donne. J'ai donné la bague de fiançailles de son arrière-grand-mère, une montre à mon petit-fils. Puis il y en a encore en bas, hein. Je vais vous dire, il y a déjà pas mal de trucs en bas. Par exemple, avec votre petite fille, c'était important pour vous de lui donner de votre vivant. Ah oui, parce que je trouvais que c'était plus chaleureux. Et j'ai trouvé que la gamine, quand je lui ai donné dimanche, j'avais retrouvé la bague de l'arrière-grand-mère, la bague de fiançailles, qui est belle comme tout. Hein. On dit mamie, elle m'a embrassée, mamie. Puis je dis, tu vois, la montre, elle est en or. C'était la première que papa m'a payée pour mes 20 ans. Puis je l'ai marquée. J'ai marqué, c'est ta mamie avec toute mon affection et je pense que tu la garderas tout le temps. Vous voyez ça, là, les petites assiettes là que je vois. Ça, je l'avais gardée. Ça venait de l'arrière-grand-mère. Comme maintenant, je ne reçois plus. Oui, c'est des assiettes, mais du coup, vous les avez mises en déco. Oui, bah oui, parce que je ne m'en sers pas. Des assiettes à dessert, j'en ai pour... on peut manger à 50. Non, mais toute une vie, on accumule. Hein? Sauf que pour garder les objets que l'on nous transmet, du vivant des personnes aimées ou après leur décès, encore faut-il avoir la place de les conserver. Évidemment, si c'est une bague ou une tasse, c'est assez simple. Mais si c'est un meuble ou plusieurs, des centaines de kilos de livres et à peine moins de vaisselle. Mona Chollet. Et pour moi, il y a un aspect où c'est là qu'on dépose une mémoire aussi, en fait. Je pense une mémoire personnelle, une mémoire familiale, où on peut disposer des objets qui nous sont chers, qui nous viennent de nos parents, de nos grands-parents, voire de plus loin. Qui raconte une histoire, qui raconte qui on est, les albums photos, les photos de famille, les photos des gens qu'on aime. Et je pense que c'est un des problèmes qui se pose avec le coût du logement et le fait que l'espace, dans beaucoup d'endroits, soit devenu si cher, voire hors de prix, c'est que le logement ne remplit plus qu'une fonction minimale, matérielle, alors qu'en fait, on aurait besoin... qu'il soit tellement plus, et c'est tellement humain de demander qu'il soit plus. Et moi, ça m'avait beaucoup angoissée à un moment de réaliser quand je, enfin voilà, mes parents avaient un appartement assez vaste et avec mon tout petit, pendant très longtemps avec mon petit appartement parisien, je me disais mais comment je vais faire quand ils seront plus là? Comment je vais il y a tellement de choses que j'aurais envie de garder et ce sera simplement pas possible en fait. Mais je pense que c'est quelque chose qui demande des choix déchirants à beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il faut se séparer d'objets qui sont très chers à nos yeux, qui ont une signification très forte, simplement parce qu'on ne peut pas les garder. Et voilà, c'est triste, c'est pas normal. Je me souviens d'un livre des Pinson Charlot, les sociologues qui se sont beaucoup intéressés aux riches, justement, qui parlaient de familles d'aristocrates. C'était vraiment un cas d'école, c'est-à-dire c'était des aristocrates qui avaient une immense demeure, une sorte de château, avec les portraits des ancêtres peints, accrochés dans la cage d'escalier monumentale. Donc voilà, leur histoire personnelle, familiale, extrêmement présente, déployée sur des générations, présente dans les murs de leur habitation. Donc une espèce de sécurité non seulement matérielle et financière, mais aussi une sécurité symbolique, en fait, une possibilité de traduire matériellement et géographiquement l'importance de leur lignée et de leur passage sur Terre, ce qui est de loin pas le cas pour tout le monde, évidemment. Et quand vous demandez qu'est-ce que c'est se sentir chez soi, j'ai l'impression que pour moi, c'est d'avoir quand même quelques boîtes d'archives, d'avoir quelques souvenirs que je ne regarde pas nécessairement, mais je sais que c'est dans une boîte à la cave ou ailleurs. Mais si je veux, je peux réanimer des objets qui vont me faire penser à mon passé. C'est comme si c'était les racines, les archives. C'est-à-dire qu'avoir quand même quelques boîtes où on laisse un jouet d'enfant ou des cartes postales qu'on a échangées avec des amis. Enfin, ça peut être sans valeur, mais sentimentalement très puissant. Et on en a besoin. Alors, ce qui est compliqué, c'est vrai, c'est que tout a changé de dimension. Nos logements sont quand même souvent plus petits que ceux de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et les meubles qu'ils avaient sont énormes. Moi, j'ai pas de meubles de mes parents. J'ai des objets, mais j'ai pas de meubles. Alors, par exemple, tous les jours, je mange avec les couverts de mes parents, qui étaient les couverts de mon enfance. Il y a beaucoup de lampes dans la maison, qui sont des lampes qui viennent de chez eux. Donc on fait des choix tout le temps. Nous habitons un monde qui est toujours peuplé d'autres êtres humains et des objets les plus disparates. Et ces objets ne sont pas des morceaux d'étendue. Ils ne se limitent pas tant à occuper un volume qu'ils ne l'ouvrent, le rendent possible. Nous n'habitons vraiment que les choses. Si chaque fois que nous traversons le seuil de notre habitation, les choses s'animent, c'est parce qu'elles acquièrent une partie de nous. Chez nous, tous les objets deviennent sujets. Philosophie de la maison, Emmanuel Cochia. Il y a ceux qui partent et il y a ceux qui restent. Robert a 87 ans. Comme Liliane, il vit dans les mêmes lieux depuis 60 ans. Dans un appartement sous les toits, dans le 14e arrondissement de Paris. Et sur son temps libre, il a retapé avec sa femme une vieille bâtisse dans le Lot. Cette maison, il espère que ses trois filles la garderont. Sa femme, décédée il y a 3 ans, y est enterrée. Sa femme qui a laissé en partant bien plus que des objets. Donc, il y a l'expression française qui est très belle, « prendre dans les bras ». C'est pas seulement le célèbre roman Une chambre à soi, hein, mais ça dit quelque chose du même ordre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous enveloppe, qui vous entoure, qui... Alors, moi je suis très sensible au côté enveloppant d'une maison. Mais on a toujours beaucoup, si peu que ce soit, mais significativement transformé les maisons où nous habitions. Donc là, tout ce qu'il y a au mur, c'est quelque chose que vous avez décidé avec votre femme. Oui, oui, tout à fait, elle a joué un très grand rôle. Le deuil est une chose très curieuse. Au début, je veux dire, l'intensité du choc émotionnel vous empêche de réaliser la réalité de la perte. Il y a des endroits de cette maison où j'ai le sentiment un peu qu'elle est davantage là. Ce sentiment est peut-être encore plus vif dans la maison de campagne que ma femme a... Mais beaucoup aménagé et tout ça, et sa présence est peut-être plus concrètement sensible, parce qu'elle est vraiment, on était là toute la journée, ensemble, alors qu'à Paris, on se voyait le soir, on se voyait un peu le matin, et puis c'est tout. Et en même temps, c'est plus douloureux, parce que c'est de chaque instant, et de chaque micro-lieu de ce lieu. Parce que c'est... Oui, c'est elle et en même temps c'est elle qui n'est pas là, quoi. Exactement. Liliane, vous nous racontiez tout à l'heure que vous donniez des objets qui vous sont chers de votre vivant. J'imagine qu'une vie, à 87 ans, ce sont aussi des papiers administratifs, des lettres. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors moi, je vais vous dire, j'ai un courrier spécial des amis et Jean Rubanet. J'ai dit à mettre avec moi quand je serai quand je vais disparaître. Parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Je l'ai montré à Christophe, il me dit, c'est quoi ça ? Je dis, bon, c'est dans une enveloppe, c'est marqué. Oh ben il dit, je sais lire quand même, maman. Ben, je dis, oui, mais je te le dis quand même. Je dis, oui, c'est un truc que je ne veux pas que vous lisiez. C'est des trucs personnels entre ton père et moi. Voilà. Et vous savez pourquoi je fais ça ? Parce que moi, quand mes parents, enfin, avant que la maison elle brûle, et quand papa est mort, mon frère est né, on a trouvé du courrier qui nous... Enfin, à l'époque, ils s'envoyaient des cartes postales, enfin, c'était comme ça, enfin bon. Mon frère, il me dit, écoute, Liliane, ça, on le brûle, parce que c'est papa et maman, ça nous intéresse. Tout ce qui était marié, Maria et Luigi, nous, on a brûlé, parce que, bon, même si c'était des trucs, ça nous intéressait pas. Alors, ça m'a mis la puce à l'oreille, je dis, moi, pas tout de suite, parce que j'étais pas mariée à l'époque. Je me suis dit, non, ça, c'est des trucs qui ne doivent pas tomber dans les mains des enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à ses enfants. Hein? Oui. Moi, je sais que mon mari, il était... Comment je dirais? Moi, autant je suis brusque. Lui, il était plutôt très... Enfin, je vais te dire le terme, très amoureux, très, très près de moi. Et un jour, il m'a dit, toi, alors, dis donc. T'es vraiment romantique, il me dit. Et lui, il était plus romantique que vous. Il était beaucoup plus... comment je dirais ? Il était prévenant. Et ça vous arrive de relire ces lettres-là ou c'est trop dur ? Je les ai relues, je ne les relirai pas. C'est trop dur. Vous avez toujours l'impression que quand vous rentrez, vous le voyez ? Qu'est-ce que nous laisserons de nous ? Après, qu'est-ce que la mémoire de ceux qui nous entourent retiendra ? Un rire ? Un bijou ? Une chanson ? Un geste ? Un meuble ? Partir, bien sûr, que ce soit après une séparation, après un divorce, après la mort ou même après un départ plus heureux, c'est se demander ce que les autres garderont de nous. J'arrivais chez mes parents pour une heure ou deux. Je me disais, bon, je vais commencer par quelque chose de très facile ou de plus facile, de plus neutre. Je vais aller dans un petit grenier. Enfin, voilà, pas très compliqué à régler. Et je tombe sur leur lettre d'amour. Donc, bon, je me dis, je regarderai ça plus tard. Et puis, à côté des boîtes de leur lettre d'amour, il y avait des serviettes en papier qui venaient, mais de tous les endroits où mes parents, ils adoraient voyager. Et donc, c'était le moindre café, restaurant, musée, n'importe où ils avaient été. Ils avaient rapporté une serviette en papier avec le nom, le lieu, etc. Et parfois des commentaires écrits de l'écriture de ma mère. Et la graphie, c'est comme aussi une empreinte du corps. C'est très puissant, ça génère beaucoup d'émotions. Et je me disais, mais c'est tellement... investi, chargé, qu'ils aient choisi de faire ça. Ma mère a laissé des mots sur plusieurs objets très singuliers de son histoire, dont je n'avais aucune connaissance, notamment un objet de sorte de nécessaire de beauté qu'elle avait reçu d'une infirmière allemande, donc sous le régime nazi, à la libération. Cette femme lui a offert quelque chose qui lui appartenait, qui avait une certaine valeur à ses yeux, comme pour demander pardon, parce que bon, ma mère a fait de la résistance, elle est revenue d'Auschwitz avec la peau sur les os, enfin, et elle a croisé cette infirmière qui lui a fait ce cadeau, et je ne connaissais pas l'existence de cet objet, et elle m'a laissé cet objet avec un mot de sa main pour m'expliquer l'histoire. Donc ça, c'est sûr que quand il y a une intention, une adresse, il y avait deux cintres aussi recouverts de crochets. Elle a indiqué que c'était sa grand-mère à elle qui les avait crochetés dans les années 20. Donc mon arrière-grand-mère. C'est terriblement émouvant parce que on sent qu'il y a un désir de raconter une histoire, de la transmettre, et qu'elle, c'est une façon, au fond, de faire vivre les morts. Les morts ne vivent que tant qu'on se souvient d'eux, bien sûr. Donc, c'est très, très, très touchant. Mais qu'est-ce que nous laisserons? Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qui va être gardé? On n'en a aucune idée. Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils pour quel jardin? Je n'en sais rien. Qui lira ces bouquins d'histoire? Qui sourira dans son miroir? Et ses habits, je n'en parle pas. Qui portera ce blouson-là? Ce que je veux pas, c'est croiser quelqu'un qui l'a sur le dos. Je tuerai ce salaud, ou j'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps. Les objets vivent plus longtemps que les gens. Merci à Lydia Flemme, à Christelle, à Mona Chollet, à Djaouiba, Malika, Claude et Marco, à Pierre Gilbert, à Aïcha, à Liliane et à Robert. Merci à Pierre-Marie Baudouin pour les lectures, à la prise de son Sandrine Malon et Gilles Gallinaro, au mixage Éric Boisset, à la documentation Anne-Lise Signoret, attachée de production Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Perrine Kervran. Sa porte ils refermeront, puis un jour ils mourront, et ceux qui restent. Chez nous, épisode 4, Comment te dire adieu, une série documentaire d'Élodie Font, réalisée par Véronique Samouilov. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens.